Ouais, salut Margot. C'est la fonction affine f de x égale à x plus b. J'aimerais juste comprendre où en est notre relation. Hier, on s'est croisés dans un exercice, tu m'as à peine reconnue. Sympa. Après toutes les équations qu'on a résolues ensemble, c'est un petit peu dur à encaisser. Parce que les connaissances, ça s'oublie vite, Acadomia propose des stages de pré-rentrée en petits groupes de 4 élèves en moyenne pour un travail approfondi et personnalisé dans les matières principales. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Le 31 janvier 2020, en direct du Festival du film fantastique de Gérardmer, nous nous interrogions à ce micro sur le mystère de la malédiction du cinéma de science-fiction en France. Mystère épais, malédiction qui dure depuis de longues années et paradoxe insoluble. Pourquoi au pays de Méliès, qui a littéralement inventé le cinéma de SF, la production de ce genre pourtant populaire est si laborieuse, si faible et in fine si absente? Eh bien, il faut croire que la déité synthétique de la SF a entendu notre appel. Ce n'est pas un, mais trois films de SF françaises qui viennent en quelques jours de sortir. Les mercenaires un peu cinglés qui ont remonté leurs manches pour s'atteler à ce défi de faire de la SF en France sont là devant moi. Cinéma, le retour de la France fiction, c'est le programme Kamikaze qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et ils en ont bavé, ils y ont pour certains laissé une partie de leur santé mentale ou de leur humanité, mais ils sont allés jusqu'au bout. Faire un film de SF en France, c'est possible et j'ai l'immense plaisir de recevoir du coup aujourd'hui Romain Quirot, bonjour. Bonjour. Scénariste et réalisateur du dernier voyage en salle depuis le 19 mai, Mathieu Thury, bonjour. Salut. Scénariste et réalisateur de Méandre en salle depuis le 26 mai et Romain Dodéjahan, bonjour. Bonjour. Scénariste et réalisateur du court-métrage Les Champs Magnétiques qui a été diffusé en janvier sur France 2 et en cours de montage de votre prochain court Colonie qui sera diffusé sur Canal+ à la rentrée. Mais avant de vous retrouver, on fait le point sur l'actualité scientifique de la semaine avec Natacha Triou qui est bien réelle. Bonjour, bonjour Nicolas. Natacha. Et on commence avec une étude parue dans la revue PLOS Médecine qui apporte une nouvelle preuve que le parasite du paludisme a une prédilection pour la rate. Cette étude, c'est un modèle d'infection expérimentale chez l'humain. Pour mieux enquêter sur les différentes voies d'infection, des chercheurs australiens ont infecté 7 participants avec Plasmodium falciparum et Plasmodium vivax, les parasites responsables du paludisme. Les participants ont subi de l'imagerie par TEP et par IRM 7 jours avant l'infection, puis 7 à 11 jours après, avant d'être soignés. Par la suite, les chercheurs ont observé le foie, la moelle osseuse et la rate. Ils ont découvert qu'il y a une augmentation du métabolisme du glucose dans la rate, ce qui signifie que les parasites peuvent s'accumuler dans la rate peu de temps après l'infection. La rate qui tient un rôle dans l'immunité et dans le renouvellement des cellules sanguines. Cette découverte aura des implications thérapeutiques. Olivier Sylvie est directeur de recherche à l'INSERM et dirige une équipe au Centre d'immunologie et des maladies infectieuses à Paris. Alors je pense que l'intérêt particulier de cet article-là, c'est aussi que là, ils ont fait de l'imagerie chez des individus, donc en utilisant des tests métaboliques. Donc c'est des méthodes qui ne sont pas trop invasives, on peut visualiser en fait l'infection entière en fait dans le corps chez l'homme. Et ça on savait faire dans les modèles de souris par exemple, mais on ne savait pas faire ça chez l'homme jusqu'à présent. Alors là, l'intérêt de l'étude, c'est qu'en allant regarder le métabolisme, ils voient les modifications métaboliques qui sont associées à la présence du parasite. Alors une des limites, c'est qu'ils le disent dans le résumé, c'est qu'ils ne distinguent pas en fait ce qui est métabolisme du parasite et métabolisme de l'hôte, des cellules de l'hôte. Donc eux, ils ne visualisent pas directement en fait l'accumulation des parasites. Ça va quand même dans le même sens d'une biomasse et d'un réservoir caché du parasite. Ça a beaucoup d'implications, parce que la rate, ça fait partie du système immunitaire, donc j'imagine que ça va stimuler énormément d'études sur la reconnaissance du parasite, pourquoi il va se mettre dans la rate, quelles sont les conséquences en termes d'immunité. Ce qui est clair, enfin, pour moi, l'impact principal, c'est que ça révèle qu'il y a un réservoir qu'on sous-estimait complètement de parasites, y compris des formes asymptomatiques, Et ça veut dire que, en fait, il y a pas mal de parasites qui restent non détectés. Pourquoi ? Parce que quand on fait un diagnostic de paludisme, en fait, on prend du sang, on cherche le parasite dans le sang, donc dans ce qui circule. Et en fait, c'est le sommet de l'iceberg, de ce qu'on appelle la charge parasitaire. Il y a toute une masse, une biomasse, comme on dit, de parasites qui reste la face cachée, en fait, de l'iceberg en question. Et donc, on sous-estime complètement le nombre de parasites qui circulent. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on continue, alors que c'est une maladie qu'on connaît depuis vraiment longtemps, on continue de découvrir des facettes incroyables de la biologie du parasite. Voilà, vous pourrez trouver cette étude sur le paludisme sur notre fil Twitter @laméthodefc. En bref, Natacha, une étude parue dans la revue Physics Letters B nous éclaire sur la soupe primordiale sur les premiers instants après le Big Bang. Une équipe danoise a recréé la soupe primordiale dans le LHC, le grand collisionneur de Hadron en Suisse. Les chercheurs ont détaillé le processus physique qui s'est déroulé durant la première microseconde après le Big Bang, lorsque la matière était sous la forme d'un plasma de quarks et de gluons. Alors, à partir d'un instrument appelé Alice, les chercheurs ont donc brisé des particules de plomb à 99,99% de la vitesse de la lumière et ils ont observé les propriétés de la matière. Le plasma de quark et de gluon était un liquide et non pas un gaz. Le premier état de la matière devait être comme un océan de liquide, nous dit cette étude, un liquide parfait, sans aucune viscosité ni résistance à l'écoulement. Cette semaine, dans le journal des sciences, il a été question d'un pas de plus vers la création d'un Internet quantique, d'atomes imagés avec une résolution record, de la disparition des oiseaux en France avec la perte d'un tiers de leurs effectifs en 30 ans, de la haute efficacité des vaccins contre le Covid, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Cette semaine, on découvre que les humains sont arrivés en Amérique du Nord il y a plus de 30 000 ans, soit 20 000 ans plus tôt que prévu. C'est ce qui ressort des radiations carbone des ossements d'une grotte mexicaine. Cette découverte remet en question la théorie selon laquelle les premiers humains ont traversé le pont terrestre de Bering vers les Amériques il y a 13 000 ans. Cette semaine, pour la première fois, la masse de nos chromosomes ont été mesurées. La masse de chacun des 46 chromosomes qui se trouvent dans chacune de nos cellules pèse 242 picogrammes. Un picogramme vaut un trillionième de gramme, mais ce poids est beaucoup plus lourd que prévu. Et enfin, les bébés tyrannosaures étaient peut-être très mignons, mais ils étaient redoutables. À partir des dents de bébés T-Rex, des paléontologues ont testé la force de morsure de ces créatures. Des tests mécaniques réalisés sur un os de vache montrent que la force de morsure d'un jeune T-Rex est d'environ 5641 newtons. C'est l'équivalent d'une morsure de hyène ou de crocodile, mais on est loin encore des 35 000 newtons de force d'une morsure d'un tyrannosaure adulte. Dans un instant, non pas un, non pas deux, mais trois réalisateurs de cinéma français de science-fiction, ce sera après le journal de la SF. Et on commence avec une étude parue hier dans Nature Communications qui décrit, Natacha, le premier tissu numérique. Les chercheurs du MIT aux États-Unis viennent de présenter une manche de chemise composée d'un tissu capable de stocker et de traiter des données numériques. C'est un peu comme si vous portiez un t-shirt clé USB. Alors pour ce matériau innovant, les chercheurs ont incorporé dans une fibre polymère des centaines de puces micrométriques en silicium. Ils ont ainsi créé une fibre longue d'une dizaine de mètres et qui est suffisamment fine pour pouvoir passer dans le trou d'une aiguille et qui peut donc ensuite être cousue dans des vêtements. Alors l'article précise même que cette fibre est lavable, elle résiste à 10 cycles de lavage sans s'abîmer. Les chercheurs ont ensuite démontré l'efficacité de leur fibre numérique et ils ont stocké dessus un court-métrage de 767 kilobits et un fichier de musique de 0,48 mégaoctets. Alors l'idée, ce n'est pas de pouvoir porter sur soi sa playlist préférée, mais de pouvoir améliorer les outils de suivi médicaux et de développer des interfaces homme-machine au plus près du corps. En bref, l'agence spatiale japonaise travaille sur un projet de robot transformable pour la Lune. Transformer sur la Lune, c'est un bon pitch de film et c'est aussi l'annonce récente de la JAXA. Alors dans cette nouvelle course internationale à la Lune, le Japon prévoit d'envoyer un robot ultra compact et ultra léger pour se déplacer à sa surface. Il s'agit d'un petit robot sphérique de 250 grammes, de 8 cm de large et qui, une fois posé sur le régolithe lunaire, prend une nouvelle forme. La sphère poussera le boîtier vers l'extérieur pour créer deux roues. Alors concrètement, le robot ressemble à BB-8 dans Star Wars. Le but est d'étudier comment un petit rover peut se déplacer sur la Lune entre sa faible gravité et son sol poussiéreux à l'unissage prévu pour 2029. Et les Transformers sur la Lune, c'est Transformers 3 très précisément. ce film existe déjà. En bref, toujours, Natacha, côté fiction cette fois, le voyage dans la Lune, encore, se fait aussi du côté de la Cinémathèque à Paris. Oui, le musée Georges Méliès a été inauguré au sein de la Cinémathèque française. Alors, le pionnier du 7e art et de la science-fiction à l'écran, considérait le cinéma comme une machine à faire rêver. Le cinéaste a réalisé plus de 500 films et certains de ses trucages n'ont toujours pas été élucidés par les spécialistes. Le nouveau musée présente un des centaines de pièces, un kinétoscope, un fusil chronophotographique, des décors et des costumes et une salle entière, et bien entendu dédiée au voyage dans la Lune de 1902. On en reparlera d'ailleurs certainement dans un instant. Côté fiction toujours, le retour de Métal Hurlant. Et édité de 1975 à 1987, puis avec un succès moindre entre 2002 et 2004, Métal Hurlant, version 21e siècle, se veut autant révélateur de talent que sa version du 20e siècle. Alors c'est l'un des spécialistes du 9e art, Vincent Bernière, qui reprend le titre et qui est déjà à la tête des cahiers de la BD depuis 2017. Cette nouvelle formule se pense toujours comme un laboratoire de la SF. Le premier numéro sera riche de 288 pages, de 28 histoires, 50 auteurs, le tout dédié à l'anticipation du futur très proche, du nir-nir futur. La campagne d'abonnement commence la semaine prochaine, le 10 juin. Et le premier numéro est attendu pour le 1er octobre. C'est hâte de jeter un œil à ça. Autre monument de la SF, cher à mon cœur, la série Battlestar Galactica, voit sortir un nouvel album de son excellente bande-son et ça sort aujourd'hui. Oui, le disque Battlestar Galactica sort aujourd'hui chez les disquaires et sur les services de streaming. Le travail de Beer McCreary sur la bande originale de la série a plusieurs fois été salué par la critique. Une BO considérée comme l'une des musiques les plus innovantes pour le petit écran. Le compositeur américain réunit donc dans ce disque la musique des 4 saisons de la série sous forme remasterisée et en bonus un album de 13 morceaux enregistrés en live à la suite d'une tournée de 3 ans de concert avec de nombreuses nouvelles versions. Les percussions, le doudouk de Battlestar Galactica, tout ça. Le roman Silo de Hugo Way va être adapté en série. Ouais, c'est l'un des plus grands succès de SF ces dernières années. Silo est une trilogie post-apocalyptique et dystopique où la Terre est dévastée et où l'humanité survit dans un silo souterrain. Apple TV+, la plateforme de vidéo à la demande d'Apple, vient d'annoncer son adaptation. Depuis 2 ans, l'auteur lui-même travaille sur cette adaptation. Les épisodes sont tous écrits, le casting est clôturé. Alors il n'y a pour le moment pas de date de diffusion, mais le tournage des 10 épisodes de la saison 1 devrait commencer cet été. Voilà, Hugo Wick, nous avions reçu, on va vous remettre le lien vers cette interview qui était assez passionnante. Et les Utopiales sont de retour, Natacha, enfin. Et le Festival des Imaginaires vient de faire cette annonce après avoir été annulé l'an dernier, crise sanitaire oblige. Les Utopiales se tiendront du 29 octobre au 1er novembre 2021, toujours à Nantes, à la Cité des Congrès. Le thème cette année, transformation au pluriel. Et on termine, comme tous les vendredis, par notre rubrique de science improbable, le moment de gêne tant attendu de cette émission. Et aujourd'hui, il est d'importance, ce moment de gêne. La revue Royal Society Open Biology, avec une étude qui montre que notre cerveau a beaucoup de points communs avec un autre organe du corps humain. Avec les testicules. Je vous remercie, Natacha. C'est la conclusion de cette équipe britannique. Les chercheurs ont comparé le protéome. Le protéome, c'est l'ensemble des protéines exprimées dans une cellule. Et ils ont comparé donc le protéome de 33 tissus. Différents, le cerveau, le cœur, les ovaires, le foie, la prostate, le col de l'utérus, les reins, le placenta. Et les chercheurs ne s'attendaient pas du tout à ce résultat, mais il se trouve que c'est avec donc les testicules que le cerveau a le protéome le plus proche, les gonades mâles, et le cerveau exprime un très grand nombre de protéines communes, 13 442 protéines. Mmh. Et ces deux parties du corps partagent également un très grand nombre de gènes en commun. Alors comment des organes aussi différents ont-ils fini par partager autant de points communs? Nous ne faisons pas de raccourcis. Non, aucun. Et même pas de commentaires d'ailleurs, on va s'en tenir là, ça tient tout seul. Hein, voilà, comme bon week-end. Bon week-end. Et à lundi, Natacha. La France, pays de Jules Verne, pionnier de la littérature de science-fiction. La France, pays de Méliès, on vient d'en parler, premier réalisateur de l'humanité à avoir mis en image animée des histoires de science-fiction. La France est son exception culturelle qui protège et encourage la production cinématographique hexagonale. Et pourtant, et bien malgré tout cela, la science-fiction et le cinéma français sont fâchés à mort depuis de longues années. Mais peut-être est-ce la fin de cette brouille dont tout le monde a oublié les raisons depuis le temps. Peut-être le temps de la réconciliation est-il advenu. 3 films de science-fiction français viennent de sortir. Coup sur coup, Oxygène d'Alexandre Aja disponible sur Netflix, Le Dernier Voyage de Romain Quirot qui est avec nous en ligne et qui est en salle depuis le 19 mai, Méandre de Mathieu Thury qui est ici en studio qui est sorti le 26 mai. Ajoutez à cela un court-métrage, Les Champs Magnétiques de Romain Daudet-Jahan diffusé sur France 2 cet hiver en attendant le prochain Colonie en cours de montage qui sera diffusé sur Canal Plus à la rentrée. Est-ce que vous avez conscience du poids qui pèse sur vos épaules, Mathieu Thury, de réconcilier le cinéma français et la science-fiction? Oula, ça fait beaucoup. Beaucoup de responsabilités, tout ça. Oui. Non, non, bah, en poids, non. En fait, non, je pense que, enfin, moi, pour moi, en tout cas, on s'exprime dans des genres qui nous plaisent. Après, le reste, la responsabilité, c'est les autres qui vont la mettre dessus. Mais... Gros Maquiro? Ouais, ouais, bah, il y a une responsabilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un combat. Et du coup, il y a un côté effectivement porteur un peu d'étendard malgré nous en fait, parce qu'on s'est battu. Enfin moi personnellement, je me suis battu 5 ans pour arriver à accoucher de ce film. Et c'est vrai que tout ce qu'on a entendu, tout ce que vous avez dit il y a quelques minutes de Méliès à Jules Verne, c'est des choses que j'ai répété à beaucoup de producteurs en leur disant mais les gars, en fait la science-fiction existe en France, elle existe depuis très longtemps. Il faut arrêter de dire que la science-fiction on ne sait pas faire en France. Donc je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens nous regardent et nous jugent en se disant « c'est bien, ils ont réussi, mais on a réussi à la sueur et presque au sang de notre corps. » quoi. Romain Dodéjean. Bah oui, du coup, le côté porte-étendard, il est à la fois super et un peu problématique parce que les films, ils ont une responsabilité énorme alors qu'ils pourraient être considérés comme d'autres. Mmh. Et du coup, quand un film de science-fiction n'a pas énormément de succès en salle ou qu'il ne trouve pas son public, ça sert d'argument à des producteurs ou des distributeurs pour ne pas aider les suivants. Alors qu'à chaque auteur, sa vision et sa perception, et à chaque projet, sa singularité. Mmh. On va parler un par un de vos projets singuliers, mais j'aimerais qu'on discute un peu avant justement des conditions de production et de réalisation. On sait que c'est difficile, hein, les auditrices et les auditeurs de La Méthode le savent bien, on en a déjà parlé, puisque je le disais tout à l'heure, on a même consacré une émission entière à cette question. Ça a été une souffrance vraiment, comme le dit Romain Quiro, pour vous aussi Mathieu Thury. Pour les deux, il faut préciser que vous, c'est votre deuxième long métrage. Ouais, alors ça a été vraiment une grosse galère pour le premier, puisque le premier a été fait entièrement sans aucune aide, il a été fait hors système français, c'est un film qui a coûté 1 million et qu'on a été chercher au forceps vraiment qu'avec des dons privés, enfin vraiment 1 million, il faut préciser que c'est un petit oui, budget, oui. Pour un film. Dans la vie normale, c'est beaucoup d'argent, mais dans le cinéma normal, c'est pas beaucoup. Oui. Et donc en fait oui, ça a été vraiment une énorme galère, surtout que c'était, on l'a monté, on a après 4-5 ans pareil, hein, de galère, on a réussi à le monter un petit peu avant l'espèce de vaguelette post-grave, on va appeler ça comme ça. Ouais. Et c'était une galère sans nom. Mais honte, ça n'a pas été simple non plus, mais c'est un film fait dans le système. On a eu quand même un distributeur français Alba Film, on a eu OCS, on a eu Sofika, on a eu le crédit d'impôt, on a tout tourné en France. Ça reste galère pour une raison simple, hein, c'est qu'on est dans un pays où on a un cinéma extrêmement puissant, d'abord. Mm-hmm. Faut quand même dire ça. Ce qui est un avantage et une qualité, Mis à part, c'est un système qui est financé par la télévision, ce qui veut dire que nous, quand on fait un film de genre, on va pas passer Méandre, par exemple, à 20h50 sur TF1 ou sur France 2. Donc ça nous enlève beaucoup de guichets, il nous reste OCS et Canal. Si l'un des deux dit oui, tant mieux. Si les deux disent non, bah, c'est fini. Donc en fait, et on est dans le genre de cinéma qui a le plus besoin d'argent à l'écran, et c'est celui qui en a le moins. Voilà, le problème, je pense qu'il vient surtout de là. Il est très bien posé. Romain Quiro, vous dites que vous y avez laissé de la sueur, du sang. Ça a été, on le sait, un parcours du combattant. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est déroulé, ces 5 années, pour aboutir au dernier voyage? Bah, ces 5 années, en fait, aussi des galères de faire un premier film. C'est-à-dire que faire un premier film, c'est de toute façon compliqué. Moi, je suis passé par toutes les cases. C'est presque un cliché du producteur qui m'a menti, qui a gardé les droits. J'ai passé plusieurs années à essayer de me débarrasser de lui. Et puis, au moment où, en fait, on s'est dit que ça allait avancer, au moment où Jean Reno accepte le projet, j'ai l'impression que tout va simplifier. Et en fait, cette peur du marché. En fait, ce que répétait tout le monde, les diffuseurs comme les producteurs, c'est ce n'est pas un film de marché. Et du coup, en fait, ils considèrent qu'il n'y a pas de public potentiel et qu'il n'y a pas de place pour des films comme ça, puisqu'on n'est plus dans de l'art, ça fait longtemps qu'on est dans une industrie, ou en tout cas que les deux ont du mal à cohabiter. Et en fait, c'est faux, on l'a prouvé en dépassant largement les pronostics en première semaine, en faisant plus de 55 000 entrées. Il y a des gens, il y a notamment des jeunes qui ont envie de films comme ça. Par contre, c'est un combat, donc ça a été moins de... Enfin, on a 2,5 millions pour faire le film à tout casser. On tourne dans le désert marocain, dans des conditions... dans laquelle je m'éclate en tant que réalisateur parce que je trouve ça génial de courir partout avec ma caméra, mais qui sont des conditions extrêmement risquées pour la fabrication d'un film. C'est-à-dire qu'il y a certaines prises où ma comédienne qui a 12 ans, bon, c'est le premier film, elle a le droit qu'à une prise, en fait, parce qu'on n'a plus le temps, parce que les conditions permettent pas de tourner dans des meilleurs, dans des délais plus longs. Donc il y a vraiment un côté de démerde, de fabrique, il y a des contraintes dans tous les sens. Et il faut transformer ces contraintes en terrain créatif et s'amuser là-dedans, parce que sinon bah on n'y arrive pas, quoi. Romain Dodéjean, vous dites quelque chose que je trouve assez juste et qu'on a souvent entendu à ce micro quand on parle de cinéma de genre. Vous dites c'est le premier domino qui est à faire tomber, qui est le plus compliqué. Oui, quand moi j'ai commencé à écrire de la science-fiction, je me suis rendu compte que deux chemins s'offraient à un auteur, réalisateur qui veut faire de la science-fiction. D'abord, faire les choses hors système, comme tu disais, Mathieu, ou alors essayer de faire les choses dans le système, c'est-à-dire avec les aides publiques qui sont disponibles. Les trois grands guichets classiques, c'est le CNC, le Centre National du Cinéma, les chaînes de télévision, comme tu l'as dit, et bien sûr les régions qui aident le cinéma français. Et en fait, il y a 8 ans, quand moi j'ai commencé à écrire mon premier film, qui était un film d'aventure et de hard science fiction, c'est-à-dire science-fiction réaliste, je me suis rendu compte que les aides publiques seraient compliquées à avoir parce que ce qu'il valorisait ou ce qu'il validait, c'était d'abord la qualité du scénario. Et donc ça m'a poussé à faire une chose, c'est à beaucoup, beaucoup travailler l'écriture. Mmh. Et en fait, j'ai passé plusieurs années à améliorer ma gymnastique d'écriture sans oublier, en gardant toujours mon désir de spectaculaire, mon désir de vertige et mon envie de raconter des histoires différentes. Mais voilà, moi, j'ai pris la direction du système, mais ça m'a pris peut-être plus de temps que si j'avais fait les choses par crowdfunding ou par financement participatif. Mmh. Mais bon, du coup, après plusieurs années d'acharnement, bah, ça finit par passer, quoi. Mais il faut avoir le cuir épais parce qu'on a beaucoup de portes qui se claquent devant notre nez. On est face à des guichets, souvent aussi, je dis on parce que je me mets un peu là-dedans aussi en tant que scénariste de genre, face à des gens qui n'ont pas non plus la culture du genre, parce que cette culture du genre, en France, elle est pas très très répandu dans les différents guichets. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Mathieu? Si, bien sûr, mais c'est en train de changer. Moi, pour le coup, ça change. Vous n'avez pas l'impression que ça fait 10 ans qu'on dit que c'est en train de changer? Non, là, c'est vraiment ça. Enfin, moi, je donne un exemple tout bête. Hein. Quand j'ai eu mon distrib à Alba, Nicolas Rié de chez Alba Film au téléphone la deuxième fois, on a parlé 10 minutes de Méandre et 30 minutes d'Aliens de Cameron. C'est-à-dire que ça commence à venir petit à petit. Moi, j'ai fait un film juste avant, justement, ce mini engouement et un film juste après. Pour le coup, j'ai senti une différence. Après, elle est pas astronomique, mais on commence quand même à avoir un changement de génération des producteurs, des financiers, des distribs. Ça va très lentement, mais c'est quand même, je trouve, là. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, si on peut nous dire non, mais des raisons peut-être des fois un poil plus valables, et puis surtout, on peut discuter avec des gens comme ça de référence. C'est pas systématique, bien entendu, hein, mais ça arrive déjà un poil plus souvent, j'ai l'impression. Romain Quiraud, votre point de vue là-dessus? Ouais, en fait, je pense qu'il y a une génération aussi qui commence à se retrouver, une génération de producteurs, toute une génération de réalisateurs et de scénaristes, qui ont envie en fait de proposer autre chose, et c'est vrai que ça crée un point de convergence intéressant. Il n'empêche que l'aide du CNC pour le film de genre de la prochaine session, je crois que le thème c'est la comédie romantique. Oui. Alors qu'on est dans l'aide du CNC du genre comédie romantique. Alors il faut préciser, je vous interromps juste pour préciser pour les auditrices et les auditeurs, le CNC a mis en place il y a 3 ans une aide spécifique pour les films de genre, et les genres aidés sont changés chaque année. C'était épouvante, fantastique les premières années, il y a eu western, comédie musicale la deuxième année, à nouveau épouvante, et là ils ont choisi effectivement comédie romantique, ce qui a un peu fait bondir dans le milieu du cinéma de genre, parce que on a le sentiment que la comédie romantique n'est pas un genre qui a nécessairement besoin d'une aide spécifique et qu'elle est en général suffisamment bien financée par ailleurs. Voilà, excusez-moi, c'était juste pour préciser cela. Romain Quiraud, je vous laisse continuer. Non, mais c'est vraiment ça. Donc, j'ai pas beaucoup plus à dire que cette espèce de les choses changent, mais on sent qu'il y a encore de belles possibilités d'améliorer la situation pour qui veut proposer des univers. Pour terminer, pour rebondir en tout cas sur ce qu'on disait. Moi, je l'ai vu à la lecture des retours, notamment des commissions du CNC, qui me donnaient littéralement envie de tout casser, hein, parce que c'était assez violent, c'est assez dur de se battre, et d'avoir des retours de gens qui sont des lecteurs et qui disent « on n'arrive pas à se figurer l'univers ». Et t'as envie de leur dire, en fait, évidemment que la France est un pays où on privilégie le scénario et qu'on a plus l'habitude de voir des gens discuter dans des appartements, mais la science-fiction s'exprime parfois par des images, en fait. Il y a des plans. Kubrick disait lui-même, un beau plan vaut parfois beaucoup mieux que des scènes de dialogue. Et cette science de l'image, cette science de l'univers, cette envie de s'exprimer différemment, elle est souvent mal comprise à la lecture par des commissions qui n'ont pas, en fait, la culture, comme on le disait, du genre. Le dernier voyage, vous le faites sans aucun fonds public, Romain Quiraud? Non, le dernier voyage, on le fait non seulement sans aucun fonds public. Il y a même pour les effets spéciaux en post-production, parce que ouais, parfois le CNC intervient après, une fois que le film est fait, pour aider à la finalisation du film. Là, vous n'avez pas d'argent du CNC, zéro. En fait, on a eu, je crois, c'est limite des centaines d'euros à la fin pour les sous-titres. Mais nous, on misait énormément pour les effets spéciaux. Et on a eu un retour où ils disaient, on pense pas que vous en serez capable. Et en fait, les effets spéciaux, pour vous dire, moi, dans mon film, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux. On va en reparler par ailleurs. Ouais, c'est des effets spéciaux qui sont ambitieux, mais la boîte de production et le producteur qui est associé a fait tous les effets spéciaux en participation. C'est-à-dire que la boîte n'a pas gagné d'argent. Ils ont fait ça parce qu'ils croyaient en ce film, qu'ils avaient envie de changer un peu les choses. Mais ça a été, si j'avais pas eu cette forme de mécénat, j'aurais jamais pu mettre au monde ce film. Romain Daudet-Jahan, vous avez effectivement, alors pour le moment vous en êtes au court-métrage, vous êtes en train de développer des longs, mais vous avez réussi, vous, à forcer un peu la porte justement des guichets institutionnels, vous avez réussi à faire les champs magnétiques, on en reparlera tout à l'heure de votre film, mais vous avez réussi à obtenir des aides publiques et des aides du CNC. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé avec un premier scénario de court-métrage qui était un film d'aventure assez ambitieux, mais qui était peut-être trop ambitieux pour un premier projet. Et en fait, on ne pouvait pas le faire sans CNC. C'est-à-dire, c'était pas faisable sans ce qu'on appelle l'aide avant réalisation, qui peut monter jusqu'à 90 000 euros pour un court-métrage et qui garantit la fabrication d'un film. Et nous, on avait un budget, un devis estimatif à 110 000-120 000 euros. Et on a été trois fois dans ce qu'on appelle la commission plénière du CNC, où à chaque fois on passait pas parce qu'il y avait peut-être des faiblesses dans le scénario, mais peut-être aussi, je pense, qu'il ne se représentait pas encore bien visuellement l'univers du film. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, puisque j'ai ouï dire que ça fait que depuis 3 ou 4 ans que les moodboards sont bienvenus dans les dossiers de demande d'aide au CNC. Les moodboards, ce sont les dossiers d'humeur, c'est-à-dire finalement de mettre des images, des références visuelles, accompagner un peu... Des sortes de portfolios, voilà, quoi. Des sortes de portfolios pour donner idée, finalement, des sources d'inspiration et de ce à quoi pourrait ressembler le résultat final. En parlant avec des personnes qui étaient dans des commissions, qui étaient lecteurs et jury dans des comités d'aide, ils disaient qu'il y a avant 4 ans, c'était malvenu qu'un projet de film arrive avec des moodboards et des intentions visuelles, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun. Donc voilà, moi, il y a 8 ans, c'était peut-être encore un peu avant ce début d'intérêt pour le visuel. Et du coup, j'ai écrit un peu de rage et d'énervement et un autre film qui s'appelle, mais aussi de joie, hein, un autre film qui s'appelle Les Champs Magnétiques. Mais j'y ai pensé cette fois, comment est-ce qu'on fait un film de science-fiction en étant conscient un petit peu du budget? C'est-à-dire comment on fait quelque chose en faisant un budget pas trop, en ayant un budget pas trop élevé. Et donc j'ai écrit ce film qui a eu toutes les aides nécessaires. Un dernier mot sur cette question du financement et puis on va passer à vos films respectifs. Mathieu Thury, vous, sur Méandre, vous réussissez du coup, après le premier film, après Hostile, à débloquer des aides publiques. Ouais, alors c'est des aides automatiques, hein, parce que nous, pareil, la CVS, on l'a pas eu, parce qu'on nous a dit, donc ça c'est pour les effets spéciaux, hein, que c'était pas vraiment narratif au niveau des effets spéciaux. Enfin bref, un truc que même moi j'ai toujours du mal à comprendre. Mais après, les justifications, enfin, je sais que c'est dur de faire du cinéma en France. Si on se lance dans le cinéma de genre, c'est encore plus dur. On le fait, on est tous, que ce soit moi, Romain, enfin, on est tous assez cinglés pour se lancer là-dedans. On se fait pas d'illusions, on sait très bien que c'est un cinéma qui sera peu aidé par les aides publiques, en tout cas on sera le dernier à l'être. Donc après, je sais pas, c'est pas, encore une fois, c'est pas automatique, il y a des aides automatiques, hein, pour le coup, mais je veux dire, c'est pas, heureusement, c'est surtout, moi je pense, il faut trouver des producteurs qui soient assez fous pour se lancer là-dedans. Alors ça c'est intéressant, peut-être, on va écouter d'abord, on va passer au dernier voyage et vous allez me parler justement des producteurs, parce que c'est évidemment, on ne peut pas faire de films sans producteurs et parfois les producteurs sont aussi un peu frileux sur le genre en règle générale. Est-ce que c'est en train de changer? On va en rediscuter dans un instant, mais écoutez plutôt un extrait de toute première minute du dernier voyage de Romain Quirot. Elliot, j'ai fait un rêve. Dans un futur proche, alors que la Terre est arrivée au bout de ses ressources, une planète inconnue fait son apparition dans le ciel, la Lune rouge. Pendant des années, les hommes la pillent pour Solumina, une nouvelle énergie très puissante. Jusqu'au jour où la Lune rouge se met en colère et change de trajectoire. Protégée par un champ magnétique indestructible, elle fonce droit sur la Terre. Un seul astronaute est capable de détruire la Lune rouge. Mais alors que sa mission approche, il disparaît. Voilà, extrait des premières minutes du dernier voyage. On est dans un pur univers de science-fiction futuriste, vraiment très... Alors, je vais vous laisser le décrire plutôt que de coller moi des étiquettes dessus. Racontez-nous un peu. On peut dire que, par exemple, dans les toutes premières minutes, on a cette très très belle image de la Tour Eiffel effondrée à terre en train de rouiller. Donc, on est dans de la SF très futuriste et très française. Racontez-nous un peu comment c'est né, d'où vient l'idée qui précède d'ailleurs avec le court-métrage qui était à l'origine finalement de ce long-métrage, et comment vous vous engagez finalement dans la volonté échevelée et acharnée de faire de la science-fiction ultra-futuriste comme ce que vous avez fait dans le dernier voyage, Romain Quiro. Bah, en fait, je pense que l'origine du projet, elle vient de l'enfance en fait. Il y avait vraiment cette envie de me dire... Comment faire de la science-fiction en France? Quel est l'univers? Comment j'ai envie de l'aborder? Et j'avais envie de jouer avec ces images de science-fiction que j'avais, en fait, quand j'étais enfant. C'est-à-dire des images qu'on a, je pense qu'on est nombreux à avoir eues, à savoir des voitures qui volent, des fusées, j'aimais bien jouer aussi avec les codes des films qui m'ont marqué quand j'étais petit. Moi, je suis un enfant, évidemment, des années 80 et 90, donc de Spielberg à George Lucas, à tous ces films américains. Spielberg, George Lucas, je pense que vous les avez cités tous les trois, les deux en même temps. C'est-à-dire que vous êtes vraiment la génération post-Star Wars, post-Indiana Jones, quoi. Ouais, et on a été nourris par ça, et après, ça n'empêche pas que d'autres films, moi, j'adore la nouvelle vague, j'adore le cinéma asiatique, je suis fan de Kitano, donc, mes inspirations sont nombreuses, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je peux pas le renier, j'ai pas envie de le renier. Mais du coup, j'avais envie d'en jouer, c'est-à-dire de jouer avec ces images, avec ces codes, et de le détourner pour aller vers une fable écologique, vers littéralement un conte, en fait, de science-fiction, qui s'amuse avec ces images de cinéma un peu spectaculaire, mais qui, en fait, est tourné vers l'enfance et vers quelque chose de Paul W.R., c'est un astronaute en fuite, mais en vrai, Paul W.R., c'est un gamin incompris qui cherche des réponses, quoi. Et qui cherche des réponses dans le regard de son père, qui plus est, qui est joué par Jean Reno. Ce qui est intéressant et ce qui est très admirable, Romain Quiro, je dois dire, d'un point de vue spectateur, c'est que c'est vrai que quand on pense faire de la SF dans les conditions que l'on vient de décrire dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire dans les conditions difficiles de financement, eh bien en général, on essaie de trouver des idées, des astuces scénaristiques pour avoir des décors minimalistes. On pourra en reparler avec Mathieu Thury dans un instant. Vous faites le pari exactement inverse, c'est-à-dire qu'il y a tous les plans sont truqués ou presque. Il y a vraiment un univers visuel qui peut rappeler, je pense à la bande dessinée à Valérian par exemple, où évidemment il y a certainement un peu de cinquième élément là-dedans. C'est un sacré défi de s'atteler à avoir et à faire de la SF jusqu'au bout, c'est-à-dire avec toute la panoplie visuelle de la science-fiction. Ouais, mais c'est pour rebondir sur la discussion précédente. J'avais pas envie non plus de faire du film de genre adapté au cinéma français, donc social ou ce genre de choses comme on fait un peu trop souvent. J'avais vraiment envie de me dire, crée l'univers qui t'intéresse avec les contraintes de l'économie. Forcément, faut le prendre en compte parce que sinon, on te fait pas de projet. Et donc, moi, l'idée, c'était de me dire, je tourne au Maroc dans des paysages qui sont spectaculaires. Ça va ramener un paysage poétique et désolé. Enfin, il y a une espèce de France crépusculaire recouverte de sable et de poussière. Et en même temps, assez épuré. Et du coup, le fait d'être épuré, de tourner dans le Maroc, dans les déserts marocains, me permet, en fait, de ramener quelques éléments. On parlait de la Tour Eiffel, il y a une carcasse d'avion et des éléments comme ça, qui sortent un peu comme des restes de l'humanité du passé et qui permettent, en fait, d'offrir à la fois des images spectaculaires et en même temps d'être dans une économie réaliste. Donc, à l'origine, il y a un court-métrage qui est primé, qui vous donne de la visibilité, un peu de surface. Vous gagnez le prix Audi Talent Award. Comment ça se passe, le passage? Alors, déjà, le court, comment vous travaillez finalement avec les producteurs? Parce que on parle des guichets et de convaincre les lecteurs pour obtenir de l'argent, mais la première personne qu'il faut convaincre, c'est trouver effectivement un producteur ou une productrice qui croit dans un projet de science-fiction. Et ça, j'imagine que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est un peu particulier. Donc c'est un concours, donc c'est du mécénat. C'est Audi, clairement, à l'époque, qui faisait du mécénat. Ça me permettait d'éviter le chemin classique du CNC qui n'aurait jamais accepté un projet comme ça. Et en gagnant le concours, j'ai la chance de pouvoir faire ce film de court-métrage de 17 minutes de science-fiction, marche très bien en festival, on est même dans la sélection finale des Oscars, donc il y a une espèce d'émulsion, quelque chose d'assez rare et en fait très cool pour un jeune réalisateur. Et j'ai l'impression que moi derrière tout va être facile, et en fait c'est littéralement l'inverse, puisque puisqu'en fait, beaucoup de producteurs sont ravis de me rencontrer, de me proposent de travailler ensemble, mais ils ne veulent jamais faire de la science-fiction. Dès que je leur dis que je veux faire de la science-fiction, ils paniquent. Le producteur du cours, lui, en fait, me ment et coince le projet pendant 3 ans. Et en fait, il faut une rencontre inattendue au moment où moi, en fait, je me dis, bon, ça fait 4 ans que tu te bats pour ce film, à un moment, tu vas juste finir par... Tu vas être malade, en fait, tu vas te tuer. Donc, à un moment, tu vois, il faut savoir lâcher peut-être à un moment, même si c'est pas dans mon tempérament. Et là, il y a une productrice qui entend parler du projet. Elle s'appelle Fanny Payou. Et elle entend parler du projet. En fait, elle a une espèce de coup de cœur pour le film et elle prend tous les risques, mais des risques qui dépassent l'entendement, de racheter les droits beaucoup trop chers parce que le producteur nous arnaque, et de se battre, en fait, littéralement corps et âme pour que le projet existe, parce qu'elle a envie, une espèce de rage de proposer, elle aussi, du cinéma différent. La France, on dit souvent que la France est un pays où le cinéma est très dirigé, pour les raisons que vous avez utilisées tout à l'heure, d'ailleurs, Mathieu Thury, par les comédiennes et les comédiens. C'est-à-dire que, eh bien, les chaînes de TV financent, dès qu'on a un grand nom, eh bien, d'un seul coup, il est plus facile de trouver de l'argent. Comment ça s'est passé pour vous, pour votre casting? Vous vouliez d'autres personnes? Comment est-ce que vous avez réussi à avoir Jean Reno et à faire rejoindre Jean Reno à votre projet? Moi, j'avais vraiment envie de tourner déjà, dans un premier temps, avec des gens de ma génération. Et le casting principal, c'est Hugo Becker, Paul Amy. Il y a même une découverte avec une jeune comédienne qui s'appelle Lia Ossadit Lesser. Et ça, c'était vraiment très important. Après, à un moment, effectivement, il faut des noms, ça aide, notamment pour les ventes et notamment à l'international. Et donc, Jean Reno, ça s'est imposé assez naturellement, en fait, puisque comme le film joue avec les codes, avec cette espèce de pop culture de cinéma qu'on a tous... Il y avait un lien qui s'est fait naturellement où je savais qu'en fait, les gens allaient me le dire, qu'ils allaient me parler de Besson tout le temps. Et en même temps, c'était une façon de dire, en fait, c'est l'ADN du film de jouer avec ses codes. Donc, c'est complètement assumé. Et après, voilà. Donc, Jean Reno, lui, en fait, c'est très simple. Ça lui a fait penser à ses premiers films, avec Besson notamment. Il y a cette espèce d'envie de proposer des choses différentes. Ça lui a beaucoup parlé. En fait, il a dit oui tout de suite. Donc pour nous, c'était déjà un soulagement. Ça n'a pas suffi à rendre le financement du film plus facile, mais en tout cas, c'était déjà une première pierre. Et Philippe Catherine qui pensait enregistrer quelques voix de radio et qui j'ai mis un fond vert derrière lui et je lui dis mais je te filme aussi. Je pense que je suis pas sûr qu'il avait complètement compris qu'il était un hologramme dans le film à la fin. Il faut y prouver aussi qu'il joue un hologramme présentateur d'information qui vient comme ça ponctuer un peu le film tout au long de la narration. Vous dites que vous avez réussi à réunir un budget de 2,5 millions. Il y a évidemment des effets spéciaux très impressionnants. Comment est-ce que vous avez géré ça avec un budget? Ça peut paraître beaucoup, 2,5 millions une fois de plus pour un premier film. Pour un film de science-fiction, c'est très peu d'argent. Comment est-ce que vous avez géré justement ces effets spéciaux? Quelle a été la limite? Vous avez compté tous les euros? Comment vous vous êtes débrouillé? C'est littéralement ça. J'ai compté. En fait, il faut, parce que là, on parle et en fait, ça donne. C'est le côté. On essaye de bouger les codes. On propose de la SF. Et du coup, moi, c'est vrai que je suis un peu en mode. J'ai l'impression de toujours être un peu en mode combat. La vérité, c'est qu'en fait, moi, je suis un passionné et je me suis éclaté. C'est-à-dire qu'à un moment. Même quand je regardais les lignes du devis et que je voyais les producteurs déconfits qui me disaient on va pas y arriver, j'étais tellement heureux d'être dans le processus de peut-être faire un film de science-fiction que tout était génial, je m'éclatais. Et notamment, je me souviens avoir regardé le devis et voir, il y a une scène où une caravane brûle. Au devis, c'est 15 000 euros parce qu'il faut de la sécurité, des pompiers, etc., même au fin fond du désert marocain. Et en fait, je leur ai dit, les gars, on peut pas brûler une caravane, on peut pas faire venir des pompiers, on n'a pas l'argent pour ça. Il faut être comme on tournait, comme je tournais les courts-métrages quand j'avais 15 ans. On brûle des planches qui ressemblent vaguement à une caravane. Et faites-moi confiance, ça va être payant. Au moment, il faut se faire confiance, il faut savoir ce qu'on est capable de faire en tant que réalisateur. Il y a cette espèce de magie du cinéma. Moi, j'ai vraiment poussé au maximum de ce que je savais faire sur un tournage. En sachant que derrière, les effets spéciaux viendraient créer ce gap monstrueux qui fait que quand je filme une voiture vaguement accrochée à un camion et que je dis aux gens « elle va voler dans le ciel », ils me regardent tous de façon un peu bizarre, d'autant plus qu'il y a une chèvre qui passe dans le désert marocain derrière, donc il y a quand même une espèce de délire un peu. Mais derrière, quand on fait voler les voitures et quand on est aidé par les effets spéciaux, y a voilà, la magie, la fameuse magie du cinéma. Il y a combien de minutes truquées sur 1h30 de film ? J'ai pas compté, mais il y a quand même pas mal de plans truqués dans le film. Comme il y a souvent la lune rouge dans le ciel, comme toutes les voitures, passages de voitures volantes, il y en a quand même un bon paquet. Ouais. Donc ça a été, vous l'avez dit, hein, une épreuve, mais vous êtes arrivé au bout, félicitations déjà. Et aujourd'hui, Romain Quiraud, est-ce que vous êtes déjà satisfait du résultat? Et si vous deviez refaire quelque chose, qu'est-ce que vous changeriez? Je suis très heureux de la façon dont les choses se passent, parce que quand je voulais tourner en octobre 2019, tout le monde me disait tourne plutôt en mars 2020, et on sait que bah, avec la pandémie ça aurait arrêté et donc tué le film dans l'œuf. Là on est sorti à un moment complètement inattendu sur un coup de tête du distributeur, et on a réussi à faire plus de 75 000 entrées. On est encore en salle, c'est largement au-delà, parce qu'on a 190 copies, donc c'est pas énorme. C'est largement au-delà de toutes les prévisions. C'est vraiment une super surprise. Vous êtes à combien d'entrées là, pardon, excusez-moi? Plus de 75 000. D'accord. Pour moins de 200 copies, en fait, c'est le ratio est vraiment. Enfin, en tout cas, notre distributeur, lui, est content. Et surtout, on est ravis. Enfin, moi, je suis particulièrement ravi du fait que les jeunes, un public jeune qui va moins au cinéma, si ce n'est pour voir des films de super-héros, étaient au rendez-vous. Et c'est quand même cool parce que moi, quand j'étais jeune et que j'avais 10, 11, 12 ans, quand je voyais un film de science-fiction, ça me faisait rêver. C'était aussi ça, la puissance du cinéma. C'est aussi pour ça que les Star Wars et Spielberg nous ont autant marqués, parce qu'ils nous faisaient voyager. Et je suis content qu'on ait une petite place, nous, aussi, dans le cinéma français, pour proposer ça. Donc, très content. Et surtout, ça donne envie de continuer, en fait. De continuer à se battre pour faire des films qui sortent un peu de la norme. Romain de Desgéants, vous vouliez réagir? Pour dire bravo d'abord à Romain et à son merci film. Réagir sur le fait que tout ce que dit Romain est me touche beaucoup et forcément ça donne un enthousiasme et une envie de continuer à écrire et à faire connaître nos univers. Et je crois que, en tout cas de mon expérience dans le court et dans le court métrage et le début de l'aventure d'un long métrage, puisque je suis aussi en écriture d'un long métrage qui est en présélection dans un appel à projet qui s'appelle Parasomnia et qui pourrait exister, qui pourrait, si je vais au bout, être tourné l'an prochain avec un budget de 1 million d'euros. Comme on l'a dit, c'est un budget assez court. Moi, je m'attache à essayer d'être à la fois ambitieux dans mes envies et dans mes intentions, et en même temps à penser au budget, quoi. C'est-à-dire que dès l'écriture, j'essaye de sans trop me limiter, d'éviter de faire arriver une horde de chevaux sauvages au milieu de mon village français, et de plutôt avoir une notion de ce que ça représente, 1 million d'euros, de façon à savoir ce que je peux faire, comment je peux tourner. Moi, je travaille avec des enfants en plus, donc comme comédien, pas dans l'équipe technique, coup, ça permet. C'est bien que vous travaillez avec des enfants dans l'équipe technique. Ça permet, enfin, du coup, ça implique de tourner, comme disait Romain Quirot, moins de temps dans la journée. Donc voilà, tout ça, c'est des contraintes qu'il faut avoir en tête. Mais que dire, sinon, c'est beaucoup de rencontres, des dominos à faire tomber. Et d'ailleurs, je travaille sur mes films avec Digital District, comme toi, Romain. La boîte d'effets spéciaux. Voilà, c'est un studio d'effets visuels numériques qui sont notamment, il y en a d'autres, mais eux, extrêmement engagés dans le nouveau cinéma français de genre. Voilà. On reviendra dans un instant sur les champs magnétiques, sur votre court-métrage et sur les prochains films. On va s'attaquer à des méandres. Je m'appelle Adam. Lisa. Vous n'êtes pas d'ici? Vous venez d'Europe? Ouais, de France. Je le savais. Et vous êtes là en vacances ou vous êtes gardien de parking ou flic? Je suis désolée. Il n'y a que les gamins et les losers qui pleurent. L'espèce de connard qui me servait de père me disait ça tout le temps. Une enfance difficile? Ça, vous avez pas idée. Vraiment pas. Ouais. Ça nous fait au moins un truc en commun. Vous avez des gosses? C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Elle a quel âge? 9 ans. Elle aurait eu 9 ans aujourd'hui. Voilà les premières minutes de méandre, hein, parce qu'après cet échange, vous ne pouvez difficilement diffuser beaucoup de dialogues, puisqu'il y en a finalement assez peu. Méandre, c'est donc, Mathieu Turi, votre deuxième long métrage après Hostile, où on pourra éventuellement évoquer le fait qu'on retrouve un certain nombre de thèmes, hein, c'est les femmes seules, enfermées, vous allez nous expliquer ça. Comment c'est quoi le point de départ justement de Méandre? Comment est-ce que vous concevez finalement ce film après avoir sorti Hostile? Alors en fait, il a été conçu avant, puisque Méandre, en fait, je l'ai écrit juste après Hostile, mais après l'écriture d'Hostile. Donc en fait, j'avais écrit trois scripts qui auraient pu être mes premiers films. Donc avec, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de thèmes, hein, avec en fait le concept de dire voilà, film pas cher entre guillemets, avec quand même tout ce que j'aime dedans, puisque quand on fait un premier film, on fait aussi peut-être le dernier, on sait pas. Donc on met beaucoup de choses, c'est souvent le défaut et la qualité des premiers films, c'est qu'il y a beaucoup de choses, des fois trop, mais c'est ce qui fait leur charme, moi je trouve, à chaque fois. Donc en fait, j'avais écrit trois scripts pour que ce soit le cas. Et en fait, quand Hostile s'est fait, qui a plutôt bien marché à l'Inter et qui a très très vite entraîné le deuxième, bah en fait j'avais ce script là notamment, et en fait c'est celui qui a tapé dans l'œil des mêmes producteurs et qui l'ont monté assez vite. Il faut préciser que c'est donc ce qu'on appelle un film high concept, c'est-à-dire avec un concept élevé, puisque une fois passée cette scène d'introduction, votre comédienne se retrouve prise au piège littéralement dans une sorte de gigantesque tunnel, et il va falloir qu'elle déjoue ses pièges pour essayer d'en sortir. Évidemment, la référence à Cube est inévitable. Ouais, c'est Cube de Vincenzo Natali. Ouais, moi j'adore le travail de Vincenzo. On échange un petit peu sur les réseaux depuis quelques années et tout ça, mais en fait, j'avais pas moi revu Cube depuis très très longtemps. Bien sûr que l'inspiration elle est indirecte, mais elle est là. Mmh. C'est logique, vous êtes enfermé avec des pièges dans un truc un peu dans les tons bleus. Après, moi, c'est pas la ref, c'est plus un, alors que ça a rien à voir dans le concept, plus un The Descent. D'accord. Sur le côté obscurité, rapport à Neil Marshall. De Neil Marshall, que j'adore aussi. Qui est une histoire de spéléologie, d'un groupe de femmes qui part en spéléologie et ça se passe pas très bien. Ouais. Et qui est une expérience de salle, moi, qui est une de mes meilleures expériences de salle en termes de mise en scène, puisqu'il joue avec l'obscurité. Et en fait, il y a des moments où il y a carrément qu'un bout de l'écran qui est présent. Enfin, c'est incroyable. Un grand film claustrophobe. Oui. mais oui. Mais donc après, voilà. Oui, la ref, elle était évidente de base. Et du coup, j'ai pas voulu revoir Cube. Je l'ai revu qu'il y a 3 semaines. D'accord. Bon. Alors, du coup, effectivement, ce film-là, vous le faites, vous, avec un budget d'1 million, c'est ça? Oh non, celui-là, on a 2,6 millions. 2,6 millions. Non, d'accord. 1 million, c'était Hostile. C'était Hostile, d'accord. Ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, ça me rappelle un petit. En fait, entre Romain et moi, en fait, je vois un peu le parcours, entre guillemets, puisque non pas que je compare, enfin, c'est pas du tout pour. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai eu une période où, effectivement, un peu comme Romain qui est ici. Romain de Desjardins. Avec le côté, j'ai fait des cours et je me bats pour faire mon long. Et en fait, le combat, c'est plus est-ce que je vais devenir réal de long métrage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de poids et beaucoup plus de pression sur les oui ou les non qui arrivent, parce que c'est carrément au-delà d'un métier, c'est même un rêve qui peut ou pas se réaliser. Après, on fait le premier, et comme le dit Winning Reft, souvent il dit au début on veut faire un chef-d'œuvre, après 2-3 semaines de tournage, on veut faire un bon film, et puis à la fin on n'a qu'une hâte, c'est que ça s'arrête. et en fait, après on passe au premier film qui est, je pense sincèrement, et Romain qui lui n'est pas là pourra peut-être me contredire ou pas, mais moi je trouve que c'est le plus dur. Pour en avoir fait deux, le premier, ça c'est vraiment parce qu'on joue, tout sur le premier, vraiment. Et je suis très content que le film de Romain ait cartonné parce que bah, du coup on va pouvoir voir d'autres films et ça c'est vraiment cool. Et en fait après le deuxième c'est différent en fait parce que bah, du coup on sait que c'est un deuxième film et on aura d'autres derrière normalement si tout va bien. Donc c'est un peu différent comme concept. Ouais, je trouve vraiment la phase du premier est vraiment très très compliqué. Romain Quiro. Complètement d'accord avec ce que tu dis. En fait, il y a une espèce sur le premier film. En fait, ça va au-delà de faire un film. C'est des rêves en fait d'enfants qu'on a portés depuis parfois des dizaines et des dizaines d'années. Enfin, il y a un truc et on joue notre vie. Et c'est vrai qu'on met, tu le disais très bien tout à l'heure, on met trop de choses dans ces films. On met tout ce qu'on a parce que c'est le premier, ça peut être le dernier. Et du coup, il y a des maladresses. Les films sont imparfaits. Mais il y a des, en tout cas, c'est à chaque fois, dans les premiers films, évidemment que mon film est imparfait, évidemment que souvent les premiers films le sont, mais il y a une rage, une envie de proposer quelque chose qui est aussi super intéressante. Je parle pas du mien en l'occurrence, mais c'est assez récurrent et sur le deuxième, en fait, je pense qu'il faut apprendre à se calmer, à s'assagir et se dire, ok. Là, tu es allé un peu fort. Structure un peu ton truc. Ouais, alors justement, c'est intéressant, Mathieu Thury. Quelle est la différence? Parce que on est, alors Hostile était un film qu'on a post-apocalyptique, plus ou moins. Là, on est autre chose. On est dans un univers qui louche plus du côté de la SF. Quelle est la différence entre les deux films? Bah alors, la différence, c'est déjà il y a quand même 1,6 million de différence. Ouais. Mais non, ce qui est marrant, c'est que le premier film, je l'ai tourné dans les mêmes. Enfin, je sais qu'avec Romain, on a même des décors en commun. La station-service, par exemple, de la Colline à des yeux. C'était à Ouarzazate, hein, Romain. T'as tourné tout à Ouarzazate? Ouais, une partie à Casa et l'autre une grande partie dans le désert marocain de Ouarzazate. Et en fait, ouais, c'est vrai qu'avec 1 million d'euros, quand on pose nos caméras au Maroc, on a à moitié gagné déjà avant même de commencer à tourner, puisque le décor est incroyable, etc. Le deuxième, même s'il y a plus de budget, faire un film où il faut absolument tout fabriquer, tout, le moindre pixel qu'on a dans un plan, c'est voilà. Donc en fait, c'était un autre combat. qui est pas forcément plus plus noble ni plus simple, hein, mais oui. Mais c'est vraiment différent. Et en fait, je voulais me mettre plus de barrières sur un décor qui en fait est tellement concentré avec plus de budget que peut-être je pouvais essayer des choses. Puis j'avais envie d'essayer de faire un film high concept très très très très serré. Donc ouais, la différence au-delà du budget entre guillemets, c'est effectivement le deuxième film, c'est différent. C'est différent parce que il y a plus de pression d'un côté, mais comme dit Romain, il y a moins. On sait plus. Oh, est-ce que je vais réussir à faire le rêve de gosse que je tiens depuis des années et des années? C'est plus. Est-ce que je vais réussir à faire un film qui sera un poil mieux ou un poil mieux reçu ou un peu différent? C'est amusant parce que hasard du calendrier total, il y a un autre film avec une femme blonde bloquée dans un espace restreint qui s'appelle Oxygène d'Alexandre Aja. Ouais. Vous avez avalé de travers quand vous avez vu le pitch du film d'Aja qui est sorti sur Netflix. Alors le film d'Alexandre, je le suis un peu depuis longtemps. On était censé sortir bien avant, on était censé sortir le 10 février. On a tourné avant puisqu'il a tourné entre les deux confinements. Nous, on a terminé le montage la veille du premier confinement. Mais en fait, après c'est heureusement il sort sur Netflix. D'ailleurs c'est pas le même travail même pour un distributeur, même pour un... C'est quelque chose de complètement différent et la chance que j'ai, c'est qu'ils sortent pas en salle. Mais sinon, après, pour avoir vu le film, moi que j'aime bien, c'est différent, c'est autre chose. Mais c'est vrai que sur le package de vente, du coup, là, il y a un gros travail qui est fait côté cinéma par le distributeur. Et Netflix, ils envoient sur la plateforme et ensuite, c'est le rôle au compresseur. Et puis, je suis pas Alexandre Aja, donc ça aide pas. Méandre est sorti le 26 mai. Les résultats sont encourageants, corrects. Vous les avez. Ouais, nous, on est super contents. On va passer, je pense, les 50 000 ce week-end, donc sur la semaine, on verra combien ça fait au final sur la deuxième semaine, mais nous on est sorti donc la deuxième semaine avec une vraie chute de presque 50% du marché, et on s'en est sorti avec plus de 36 000 entrées la première semaine, donc c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait faire au final. Donc je pense que ce qui est bien, que ce soit le film de Romain ou le mien, c'est qu'on est les deux premiers. Il y en a beaucoup qui arrivent derrière de films de genre quand même, enfin beaucoup, je dis beaucoup, il y en a plus que d'habitude. On est les deux premiers, fallait pas, pour le coup on prend les risques tous les deux, fallait pas qu'on se plante et on s'est pas planté, donc ça permet derrière, en espérant que les autres se plantent pas non plus, d'avoir une vraie vague et d'aider d'autres films de genre à se faire dans les années à venir. Ouais. Les autres qui arrivent, ce sont, on l'espère, le premier long métrage de Romain Dodéjean, mais avant cela il y a eu des courts métrages, Les Champs Magnétiques. J'ai entendu des trucs bizarres. T'as senti les champs magnétiques? Mais c'est quoi? C'est une force invisible qui nous entoure. Certains animaux la sentent dans leur corps. Moi, j'ai besoin du magnétomètre. Pourquoi? Plus on se rapproche de ceux qui ont contacté ma mère, plus le champ magnétique augmente. Elle m'a laissé les symboles pour la suivre. Elle m'attend, quelque part dans la forêt, pour partir avec eux. Maintenant, faut qu'on se fonde dans la nature si on veut la retrouver. T'as des preuves de ce que tu dis, là? Tu vas entendre un son qu'on capte dans l'espace depuis 40 ans. Personne sait ce que c'est, ni qui l'envoie. Ma mère pense que c'est... Voilà, extrait donc des Champs Magnétiques, court-métrage de Romain Dodéjean, que vous avez peut-être eu la chance de voir le 25 janvier dernier sur France 2, prix du public au Festival Premier Plan Angers, par ailleurs. Oui, le scénario a été pris du public, ce qui a fait tomber le premier domino, comme on disait, qui nous a permis d'avoir un soutien et un préachat de la chaîne France 2, et derrière une aide de la collectivité de Corse. Et ensuite, derrière, on a pu avoir l'aide aux effets visuels du CNC, qui nous a permis de faire le film, quoi. Pour vous, c'est la SF depuis le début, vous le disiez, hein, Romain, vous avez commencé, vous êtes, comme vos deux camarades, un nourri et biberonné notamment à Spielberg et au film Ambi, qu'on retrouve un peu hein, dans la touche de votre cinéma. C'est vraiment une sorte de de profession de foi, on s'accroche à l'SF, de dire je vais pas lâcher, je vais aller jusqu'au bout, je vais continuer à faire absolument ce cinéma-là, envers et contre tout et malgré toutes les barrières qu'on a pu évoquer. En fait, c'est une obsession, quoi. C'est-à-dire, ça, le premier choc de ma vie, c'est Star Wars quand j'étais enfant, et après qui a trouvé des échos dans la bande dessinée. À l'âge adulte, ça a été la découverte de la littérature de science-fiction, notamment la littérature française de science-fiction, qui est foisonnante à un point qu'on n'imagine pas quand on connaît pas ce genre-là. Quels auteurs, par exemple? Bah alors, au début du siècle, je pense à Maurice Renard, Rony Aîné, Stéphane Vull un peu plus tard, et puis dans les récents, Stéphane Beauverger, Alain Damasio, Romain Lucaso, incroyable auteur que vous avez reçu à la méthode scientifique. Latium. Latium. Il y en a encore d'autres. Et puis, c'est une sorte de désir, d'obsession profonde. Et ce qui est intéressant, c'est pour moi, c'est que ça a pris du temps personnellement avant de digérer, d'intégrer mes références et mes inspirations de façon à vraiment trouver une singularité dans mon écriture et dans l'envie des films que je voulais faire. Ce serait quoi cette singularité selon vous ? Aujourd'hui, je dirais que j'ai envie de faire des films qui sont la rencontre du cinéma fantastique, de science-fiction, du Spielberg des années 80, et vraiment je pense à Rencontre du troisième type, et de l'inquiétante étrangeté de Jeff Nichols dans ce qu'il fait dans Take Shelter et dans Midnight Special, et notamment dans ce désir et dans cette envie d'ancrer des films de science-fiction dans le terroir français. Moi, le long métrage que j'écris avec ma co-autrice Émilie Dubois, il se passe dans le village de mes grands-parents, dans le Maine-et-Loire, et ça m'intéresse, ça m'excite intellectuellement de faire se rencontrer l'archaïsme un peu du terroir, la ruralité et le fantastique d'une rencontre étonnante et inhumaine. Et il y a aussi beaucoup de travail, vous le disiez, avec des enfants, hein, puisque vous êtes aussi lauréat de la bourse Sofilm Canal Grand Est pour Colonie, qui est un cours, d'ailleurs vous avez interrompu le montage pour venir, merci beaucoup, que vous êtes en train de monter. Ça fait partie vraiment de cet univers que vous continuez à explorer, qui est lié à ce regard finalement de l'enfant, de l'émerveillement sur le fantastique et l'irruption du surnaturel. Oui, ce qui m'intéresse, c'est de raconter et d'écrire des personnages enfantins ou adolescents un peu cassés, un peu handicapés, mal à l'aise et pas à leur place dans la société, dans le monde et dans la famille, et qui, à travers la rencontre avec des entités non humaines, qu'elles soient extraterrestres ou venant encore d'ailleurs, réussissent à trouver leur place en changeant leurs croyances, en changeant de réalité, en changeant leur regard sur le monde. Et je dirais que c'est le point commun entre mes projets et mon envie, quoi. Et sur le long métrage que vous êtes en train d'écrire, on reste dans ces univers-là. Vous avez déjà des producteurs qui sont intéressés. Vous allez continuer à travailler avec les producteurs avec lesquels vous allez travailler pour vos courts-métrages, ou est-ce que c'est un autre combat à mener? C'est un projet différent, Nicolas. En fait, le long métrage que j'écris, qui s'appelle Kima, qui veut dire onde en grec, est un film que je développe à l'atelier scénario de la Fémis, endroit où je ne pensais pas qu'on allait pouvoir faire de la science-fiction, puisque la Fémis, c'est le sacro saint temple des auteurs, et en fait, ils sont tout à fait ouverts aussi à des projets de genre. Et en fait, donc, il est en lice pour l'appel à projet Parasomnia, qui, s'il va au bout, sera produit par Marc Missonnier chez Moana Film, et soutenu par Sony Picture France. Donc c'est un peu tôt pour vous dire si le projet a des producteurs, puisque de toute façon quand on est à la Fémis, on peut pas en avoir encore. Mais voilà, il y a encore ce désir, là ça se passe dans le village de mes grands-parents, et c'est l'histoire d'un enfant aveugle qui fait la rencontre avec une créature venue du centre de la Terre et qui a une forme tout à fait particulière que je ne divulgacherai pas ici. Merci beaucoup en tout cas, et on a hâte de voir ça sur les écrans. Merci Romain Daudet-Jahan. Mathieu Turie, Méandre en salle depuis le 26 mai. Si vous y allez, vous contribuez à passer la barre des 50 000 ce week-end. Romain Quirot, dernier voyage. Allez, on souhaite quoi? Plus de 150 000 en fin d'exploitation? Ouais, on va tenter les 100 000, on sera déjà content. Allez, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous trois. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Leguet-Saint-Vulfran, Natacha Triou, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Hélène Triguero à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. La semaine prochaine, dans le laboratoire de la méthode méthodes scientifiques. Lundi, nous vous parlerons du goût. Mardi, nous parlerons des multivers et de ce que la science a à en dire avec Carlo Rovelli. Mercredi, nous parlerons des futures pandémies et de comment s'y préparer. Jeudi, nous recevrons le neuroscientifique Antonio Damasio pour parler de conscience et de sentiments. Et vendredi, sera une émission consacrée à la table, une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain, 16h, c'est comme tous les samedis, le camarade Étienne Klein. On se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire. France Culture. L'esprit d'ouverture.